En Corée, les travaux de rétablissement des régions sinistrées se déroulent à la dernière étape. À l'arrondissement de Musan, les militaires ont terminé en 4 jours l'endiguage de la rivière Songchun de l'agglomération ouvrière de Namsan et la réparation routière de plusieurs lieux, y compris la route entre Jucho et Pungsan. Ils ont achevé la restauration d'une 20aine de hectares de terres cultivées de la commune de Saegul et arrangé plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés de superficie des secteurs des maisons d'habitation à étage ou sans étage. À la ville de Faedong, les militaires poussent énergiquement l'endiguement du fleuve Duman et la régularisation des cours d'eau, y compris l'endiguement de Dokung et de Mangyang. Ils ont achevé dans un court laps de temps les travaux de digue des cours d'eau de Faedong et de Liangchun. Les travailleurs de la ville aussi accélèrent la réparation des digues de Yusun, Dingue et d'autres. À l'arrondissement d'Anson, les bâtisseurs venus des établissements provinciaux ont construit les habitations sans étage de plus de 80 foyers et à l'arrondissement de Yunsa, les membres des troupes de choc des établissements de ville et d'arrondissement et des entreprises construisent plusieurs dizaines de bâtiments publics à la dernière étape.